Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey. On est très heureux d'avoir Snake avec nous. Certainement que Snake a dû être un peu surpris, comme tout le monde, de voir Cole Caulfield repêché au 15e rang. Salut Snake! Oui, salut Dan! Snake, 15e rang, Cole Caulfield. Écoute, je lisais Marc Bergevin qui mentionnait qu'il avait essayé de parler avec Pat Brisson, son agent, puis il disait « Perds pas de temps avec Cole Caulfield, c'est sûr qu'il va être repêché avant. » Fait que... Je pense que quelque part, c'est quand même une bonne prise pour le Canadien au 15e rang. Oui, moi j'ai été surpris. Je pensais qu'il sortirait peut-être entre 8 et 11. Alors plus, mais je pense qu'avec le choix d'Étoile, le Moritz Seider, ça a beaucoup changé la donne. Et après ça, il y a Floride qui a choisi un gardien de but. Fait que c'est ce qui fait que Caulfield descendait. Et puis c'est devenu réaliste là, pour le Canadien de l'avoir dans sa mire. OK. 5 pieds 6 pouces, est-ce que c'est vraiment un handicap dans son cas? Mais je me sens que je lisais des articles qui disaient que c'est un mélange d'Alex DeBrincat et il y a le talent de DeBrincat puis il y a le caractère de Gallagher. Est-ce que c'est poussé un peu comme comparaison? Non, c'est pas poussé du tout. Moi, ça m'inquiète. Ben, en fait, ça m'inquiète, mais ça m'inquiète pas. L'aspect positif, c'est que c'est un marqueur de but. C'est un gars qui est capable de marquer d'à peu près tous les angles. Il a un lancer absolument dévastateur. Ouais. Et du côté jeu de puissance, il pourrait quasiment jouer dans la Ligue nationale dès cette année pour le jeu de puissance. OK. Ce qui me chicote un peu, c'est que les petits joueurs veulent pas se fatiguent plus vite. Et puis en séries éliminatoires, si le Canadien se rend loin, ben la route est longue. Et puis, tu peux pas avoir là 20 joueurs comme ça, puis espérer gagner la Coupe Stanley. Comme un peu ce qui s'est passé avec Johnny Gaudreau cette année. Oui, Johnny Gaudreau qui en a arraché contre l'Avalanche du Colorado en première ronde. Mais disons qu'on ne demandera pas à Caulfield de contrôler le jeu comme on le fait avec Gaudreau. Okay. Caulfield, ça va être plus un complément, peut-être à un gars éventuellement comme Kotkaniemi, qui est grand, qui va être gros, au centre, et puis il va pouvoir alimenter Caulfield, puis Caulfield va pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire marquer des buts. Okay. Tandis que Gaudreau, lui, on lui demande d'être la locomotive à Calgary. Okay. Et un gars de 5 pieds 9, 160 pour être la locomotive d'une équipe, à moins de t'appeler Patrick Kane, puis d'être bien entouré, habituellement, ça marche pas. C'est peut-être un genre de Phil Kessel, en plus de caractère. Oui, à sa façon, c'est sûr que c'est pas le même physique. Ouais. C'est pas nécessairement le même make-up, comme on dit en anglais. Mais c'est un joueur unidimensionnel, que ça. C'est un joueur qui est Mais Caulfield, écoute, il y a quand même un coup de patin décent. Il est pas super rapide pour un gars de sa taille. Okay. Mais il y a quand même un coup de patin décent. Il y a quand même des. Il est capable de fabriquer des jeux. Mais c'est sûr que sa spécialité, c'est son one-timer. C'est sa facilité à se démarquer pour être capable de décocher son tir. Alors, ça va être un gars qui, d'après moi, va marquer beaucoup de buts sur le jeu de puissance. OK. Donc, tu le vois dans combien de temps à Montréal? Écoute, je te dirais minimum un an. Donc, okay. On parle d'octobre 2020. Okay. Maximum 2 ans, le octobre 2021. Maximum 2 ans, ouf! Oui. Je pense pas qu'il joue plus que 2 ans à Wisconsin. Et puis, lorsque son stage à l'Université du Wisconsin va être terminé... À moins là, d'une catastrophe, il devrait commencer à Montréal et non pas à Laval. OK. Donc, tu vas aussi vite que ça. Les autres joueurs du Canadien, le deuxième choix, là, on dit que c'est un Charlie McAvoy. Est-ce que tu le connais, ce deuxième choix-là? Oui, je le connais parce qu'il avait été éligible au repêchage de la Légion majeure du Québec il y a 2 ans. OK. Et puis, je me souviens de l'avoir épié. Écoute, l'affaire, c'est que les fameux high school américains... Ouais. C'est très, très difficile de juger les joueurs. Parce que oui, il y en a par le passé qui ont fait le saut, qui sont devenus très bons. Mais il y en a d'autres. Tu sais, le calibre est tellement faible. Okay. Alors, c'est sûr qu'un gars comme Struble, il est capable de, si on peut dire, contrôler le jeu dans un high school. Mais je pense pas qu'il y ait les qualités nécessaires avec la rondelle pour être capable de faire la même chose chez les pros. Alors, chez les pros, moi, je le perçois plus comme, je te dirais, un gars de troisième paire. Oh. De type défensif shutdown. Okay. Parce que c'est pas qu'il y a un tempérament assez bouillant. Okay. Alors, c'est le gars qui va être toujours... c'est un agitateur qui va être toujours impliqué dans les escarmouches. Alors, moi, je vois plus ça comme un sixième défenseur dans l'NNH s'il se rend là. Et puis, la route est très longue. On parle certainement, lui, dans son cas, d'un 4 ou 5 ans avant qu'il puisse s'établir avec le Canadien. Parce que là, évidemment, tu as le fait aussi qu'il ne joue pas beaucoup de matchs. Et ça peut être le même fait pour Caulfield. C'est une adaptation. Le calendrier de la NCAA et le calendrier de la Ligue américaine, c'est pas la Ligue nationale, c'est pas le même calendrier. C'est pour ça que je dis qu'un gars comme Brian Pelling, ça pourrait pas pourrait arriver qu'il commence l'année à Laval. Oui, par contre, Caulfield, ce qui arrive, c'est que le USMTDP, le programme américain, ouais, joue beaucoup de matchs. Alors, avec les tournois, avec la saison de la USHL, avec les parties contre les universités américaines, Caulfield, là, a quand même réussi à se mettre certainement un 60-70 matchs derrière la cravate, ce qui est l'équivalent du junior. Dans le cas du high school et de l'université, c'est ridicule. Dans les high school, les gars jouent 25-30 matchs. À l'université, ils en jouent une quarantaine. Donc, oui, il y a une adaptation. Puis c'est pour ça qu'un gars comme Struble, étant un défenseur aussi, ça, il va falloir qu'il passe du temps avec le Rocket de Laval. Ça va être très long. OK. Dans le cas du... je t'écoutais en 91-9. Dans le cas du Suédois, tu l'aimes bien, lui. Le troisième choix. Pardon? Le troisième choix, le Suédois, tu l'aimes bien. Je t'écoutais ce matin en 91-9 dire la même affaire. Oui, Nylander, oui. Lui, c'est un gars qui n'a pas été repêché l'an dernier, mais il s'est beaucoup amélioré cette année. Okay. Et moi, je trouve qu'il est un peu plus explosif. C'est un gars qui peut prendre... surtout en zone adverse, c'est un gars qui peut appuyer l'attaque, qui peut prendre la rondelle, foncer au filet. Donc lui, je vois plus d'aptitude, plus de potentiel offensif chez lui. Je te dis pas qu'il va faire la Ligue nationale, ça demeure un choix de troisième ronde. Mais lui, au moins, il m'allume un peu plus dans le sens que ça va être intéressant de voir s'il fait l'équipe junior cette année au championnat. Lui, je suis plus intéressé là à suivre sa progression. OK. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un choix quand même. Tu sais, je suis content pour le gars, c'est un chic type. Je l'ai, ça fait deux, trois fois que j'y parle en entrevue. Tu sais, je suis vraiment content pour lui. Mais à quelque part, est-ce que c'est un choix gaspillé? Parce qu'il aurait pu l'avoir comme joueur autonome? Oui et non, tu sais jamais. Moi. Ouais. Quand tu as fait répondre, écoute, regarde, je prends juste un exemple là. Les Blues de Saint-Louis, avec le dernier choix, ont choisi Jérémy Michel. OK. Avec Val d'Or. Ouais. Alors, il y en a bien qui auraient pu dire, si le Canadien l'avait pris, ça aurait été un choix gaspillé. Mm. Pas nécessairement. Tu le sais pas, en septième ronde, les gens lancent des dards. Pinard a quand même eu beaucoup d'exposure par le fait qu'il s'est rendu en Coupe Memorial avec Owen Aranda. C'est un joueur de caractère. Alors ça, tu sais jamais. Moi, je pense pas que ce soit un choix gaspillé. Par contre, est-ce qu'il y a des chances de faire le Canadien? Ben, en ce moment, les probabilités sont contre lui. Mais écoute, il va se rendre à Laval. Ça pourrait faire un bon joueur pour Laval. Puis des fois, tu sais jamais, il y en a qui se sont faufilés. Regarde Samuel Blais, tu sais, qui est rendu à Saint-Louis. Tu sais, les probabilités sont minces. Tu peux jamais dire jamais. Mais c'est sûr que c'est pas là. Faut pas s'attendre à un joueur de premier trio chez le Canadien. Non, c'est sûr. Non, c'est parce qu'il va jouer avec les Saint-Escoutimi. C'est un gars de la région. C'est pour ça que je t'en parlais aussi. Puis le fait que c'est ça. Non, écoute, c'est une belle histoire. Et puis, on est bien content pour lui. Dans l'ensemble du repêchage, est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que, tu sais, certainement que tu nous as parlé, l'Allemand Nylander, qui est sixième choix, ça a changé la donne. Spencer Knight également, qu'on voyait en fin de première ronde, été repêché par la Floride. Lui, ça a été quand même on dit que c'est un gardien de but d'impact, hein? Oui, c'est un gardien de but d'impact. Je le vois pas nécessairement au même niveau que Vasilevski au même âge. Okay. Mais avec les gardiens, ça peut changer. Hein. Dans 10 ans, on pourra avoir une toute autre conversation. Mais, écoute, Spencer Knight, 13e, moi, j'aurais peut-être attendu un peu. C'est le genre de gars que j'aurais choisi peut-être 19-20e. Ouais. Donc, c'est pas une grosse surprise, mais c'est sûr que dans le top 15, avec le joueur, les joueurs offensifs qui restaient sur le tableau, c'est quand même... faut vraiment que Floride l'ait beaucoup aimé pour l'avoir préféré à ce qui restait. Oublie pas qu'il restait Alex Newhook, il restait Peyton Krebs, il restait Cole Caulfield. Okay. Alors, de ce côté-là, ça m'a un peu surpris. Raphaël Lavoie, deuxième ronde, c'est-tu vraiment surprenant compte tenu du fait qu'il a connu des séries intéressantes quand même? Est-ce que le fait que c'était déjà sa troisième année, ça a joué contre lui aussi? Oui, ça a joué contre lui. Ouais. Je pense que les recruteurs auraient aimé le voir dominer plus. OK. Raphaël Lavoie, c'est un gars qui est capable du meilleur et du pire, dans le sens que Il y a certains soirs, tu le vois jouer, puis tu as l'impression que ça va être une future vedette. Et puis, il y a d'autres soirs, ben il semble moins impliqué. Et puis, à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui fait tiquer les recruteurs. Moi, je croyais qu'il sortirait peut-être vers le 25e rang. Okay. Alors, j'ai quand même été surpris qu'il ne sorte pas en première ronde. Mais là, Edmonton, je pense que la situation est quand même idéale pour lui, parce qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture. Les Oilers n'ont pas d'ailier. Ouais. Alors, c'est un gars qui pourrait jouer à l'aile, d'après moi, et il a un superbe coup de patin, il mesure 6 pieds 4, et je pense qu'il est tombé dans une situation assez intéressante qui pourrait faire en sorte que, là, il y a tous les outils pour faire mentir ceux qui l'ont ignoré en première ronde. Ça semble que c'est un ailier parfait pour Connor McDavid. Ben, du côté rapidité, oui. C'est un gars qui a des bas de main également. Ouais. Faut pas mettre la charrue avant les buts. Mais on ne sait jamais d'ici 2-3 ans parce que les postes sont ouverts. Écoute, ça n'a pas marché avec Puljujärvi à Edmonton. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. On fait jouer Draisaitl à l'aile de temps en temps. On aimerait ça le ramener au centre. Le reste, il n'y a vraiment rien à Edmonton. Alors, la voix, s'il y a une grosse saison à Halifax l'an prochain, qui sait l'année suivante, parce qu'à cause de sa date de naissance, il va avoir 19 ans. Ouais. Alors, qui sait si en 2020, à 20 ans, il pourrait pas faire le club? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des prédictions sur des joueurs. Souvent, la prédiction qu'on fait avant et après le repêchage peut être différente. Mmh. Moi, quand j'ai vu la voix à Edmonton, je me suis dit, oh, là, le gars a vraiment une chance de tu sais, la porte s'ouvre pour lui. Mmh. Alors que tu vois certains gars repêchés par d'autres équipes, tu te dis, oh, il y a lui en avant de lui. Comment est-ce qu'il va faire pour percer? Ouais. Ah, c'est sûr. Puis tu devais être content, finalement, Samuel Poulin, que tu disais, ce sera pas lui, mais ce serait le premier Québécois par les Penguins de Pittsburgh. Ben oui, c'est ça qu'on avait parlé. Ouais. Et écoute, c'est un choix safe. Peut-être que Lavoie va avoir une meilleure carrière, parce que Lavoie a un potentiel beaucoup plus élevé. Mais Samuel Poulin, lui, au moins, tu le choisis, puis tu dors tranquille. Tu sais qu'il va jouer probablement sur un troisième trio. Il est super travaillant. Beaucoup de caractère, capable de marquer des buts quand même à proximité du filet. Alors, écoute, ça pourrait être un gars de troisième trio de 10-15 buts dans la LNH, et puis ça vaut son pesant d'or, mais c'est sûr que la voix a des meilleurs outils, ouais. Mais Poulin, comme je t'ai dit, quand tu choisis, tu dors tranquille. Dernier point, Snake, je ne t'en ai pas parlé dehors des ondes, mais je vais t'en parler pareil, puis tu vas être facilement capable de me répondre à la question. Greg Button, qui est le spécialiste de TSN aujourd'hui, est censé te faire, je disais ça sur RDS, il se peut te faire le rapport de quelle équipe qui a la meilleure banque de prospects. Et il note le Canadien A+, comme bande de prospects. Est-ce que tu es d'accord avec Greg Button? Okay. Toi, tu parles de bande de prospects en incluant... Brooke, en incluant toutes les okay, Romanov, les... ouais, c'est ça. A+, je pense que c'est fort. Ouais. Je pense que ce que les Canadiens ont, qui ont pas eu depuis longtemps, c'est qu'ils ont une quantité. Ils ouais. ont de la quantité. Et plus tu as de la quantité, plus tu as de chances de piger une bille à un moment donné qui va marcher. Mm. Tu sais, si tu as 15 prospects... ben tu peux espérer qu'il y en ait 2-3 qui deviennent bons, tandis que si tu en as juste 2-3, ben tes chances que ceux-là d'en avoir un de bon sont beaucoup plus minces. Alors, je pense que du côté profondeur, la banque du Canadien est intéressante. Je ne sais pas du côté impact. Tu sais, des gars, on parle, là, par exemple, je te donne un gars comme Josh Brooke, ouais. des gars comme Cale Fleury qui joue à Laval, etc. Ouais. C'est tous des gars qui ont une chance de faire la Ligue nationale, mais est-ce que nécessairement on parle de gars qui vont être des top 4 à la défense ou des top 6 et puis qui peuvent arriver en série puis faire en sorte que le Canadien devient une équipe menaçante? Mm. Ça, je suis pas encore convaincu. Nick Suzuki, je suis pas convaincu de tout ça. On va avoir la réponse d'ici un an ou deux, au moins, là où ça s'en va. Ryan Poehling a très bien commencé, on le sait, au dernier match de la saison. Pour moi, ça demeure quand même un point d'interrogation. Moi, le Canadien, j'opterais plus s'il fallait que je mette une note. B? J'irais plus vers le B+. OK. Ouais. Mais je regarde ça, donc, lui qui essaye, qui peut être un top 4 des défenseurs, c'est Romanov. Kotkaniemi, on peut le considérer comme prospect pareil, même s'il a joué l'an passé, son âge, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui peuvent être facilement des bons deuxièmes joueurs de centre, jouer des défenseurs dans le top 4. facilement. Là. Ce que tu n'avais pas dans le passé, là, rappelle-toi des Nikita Scherbak, des Jared Tinordi, c'était affreux. Ah ben là. Oui. Ben écoute, c'est le jour et la nuit. Ouais. Écoute, si tu inclus Kotkaniemi dans la liste des prospects, c'est sûr que là, on monte ça à B+. Ouais. On a un premier centre entre les mains chez le Canadien. Peut-être pas un premier centre top 5, top 10 dans la LNH, mais certainement un gars. Moi, je le voyais à peu près dans comme peut-être 15e meilleur premier centre chez les pros. Alors, ce qui est excellent. Alors, ça oui. Du coup, si t'inclus Kotkaniemi, ça augmente la manque. Le reste, ça demeure quand même. Tu sais, Romanov, on parle de top 4. Ça, c'est pas sûr encore. Tu sais, c'est. Il n'y a rien de sûr, mais des fois, il y a des choses que tu vois un peu plus se dessiner. Nick Suzuki, je ne le sais pas encore. Je trouve qu'il patine pas beaucoup. Puis je sais même pas encore si ça ferait un meilleur joueur de centre qu'un ailier. Probablement mieux un joueur de centre. Mm. Mais là, à ce moment-là, est-ce que ça devient un troisième centre ou un deuxième centre, puis tu mets Brian Poehling à l'aile? Il y a encore beaucoup de pièces du casse-tête qu'il va falloir décortiquer avant de savoir qui va être dans la bonne chaise chez le Canadien. Mais c'est sûr que c'est jour et la nuit avec les 15-20 dernières années, alors que le pipeline était complètement vide. Et moi, ce qui me rassure, c'est que tu as un gars à Laval qui s'est développé, ce que tu n'avais pas avec Sylvain Lefebvre, à mon idée, là. Bien, bon, je sais que taper sur Sylvain, le clou de Sylvain Lefebvre, ça a été quelque chose d'assez populaire au cours des 5-6 dernières années, mais à la défense de Lefebvre, et puis j'aimerais bien ça peut-être le voir dans un autre poste d'entraîneur, parce que à la défense de Lefebvre, il n'y avait vraiment pas de chevaux. Ouais. OK, les alignements à Hamilton puis à St. John étaient absolument médiocres. Et puis on en a eu quand même la preuve cette année. Le Rocket n'a pas fait les séries, malgré le fait que Bouchard était là. C'est parce que Bouchard a ramassé un peu les restants des mauvais repêchages passés du Canadien. Là, Bouchard va commencer à avoir plus de chevaux cette année. C'est là qu'on va juger. L'an prochain. Et puis là, c'est sûr que ça va partir. Puis là, il va obtenir tout le crédit. Oui, Joël Bouchard est excellent. On l'a vu avec l'Armada. Je ne lui enlève absolument rien. Mais je pense vraiment que Lefebvre, il s'est pas vraiment fait donner un bon jeu. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tes deux entrevues. Au plaisir de se reparler. Puis dès qu'il y a quelque chose, on t'écoute encore au 91.9. Tu interviews régulièrement. Puis sur Twitter également. Hey, merci beaucoup, Dan, ça m'a fait plaisir. Snake, Simon Boisvert.